font leur trafic, qui marchent avec un sucre-crapule qui représente le district. Pour les amateurs de grosses caisses qui aiment la sensation, ont coffré leur pognon pour investir dans une maison. C'est pour ceux qui gèrent la thune comme un banquier crapuleux, ceux qui finissent leurs études en dessous d'un bac plus 2. Nous aussi, on est au fichal dans la street, une armée bien solide avec ses codes et ses mimiques. Check, la vie saute mec, tu peux béton pour rien. Demande aux plus anciens comment ils font quand ils sont chiens. Ça trafique dans les sous-sols et les caves, les gants pour couper la peau, aucune trace pour les poucaves. Ah, combien se sont fait balafrer, cicatrice sur le visage, une capuche pour camoufler. La rétine dilatée, les yeux brillants, intoxiqué et marqué par un passé trop violent. On m'a dit vas-y, fais ton bise et sois discret, va au bout de tes rêves, évite ce que l'état sécrète. On sait qu'à cette ci les poucaves sont indiscrets, la rétine scannée si tu tombes dans l'excès. On m'a dit vas-y, fais ton bise et sois discret, va au bout de tes rêves, évite ce que l'état sécrète. On sait qu'à cette ci les poucaves sont indiscrets, la rétine scannée si tu tombes dans l'excès. Moi je suis discret, tu veux me serrer, tu peux toujours courir. Il faut des couilles et pas mal d'indices pour que tu puisses t'en sortir. Casse pas la tête à mettre mon téléphone sur écoute. Tu veux faire les choses bien sans te faire serrer, et bah écoute, commence par la fermer car les murs ont des oreilles. Ne dis pas combien tu touches, c'est pas comme ça qu'on fait de l'oseille. Et puis marche tout seul, c'est pas bon les associés. Un jour ou l'autre ça baisse ta femme, ça prend les thunes, t'as mis de côté. Ne traîne pas avec des mille et des cents, y'en a peu qu'on réussit, tôt ou tard on descend. Marche droit, esquive les putes, y'en a qui t'aiment pas, les sous-marins sont dans la vie. Alors mon pote, pas de faux pas, l'état va te laisser monter pour bien se renseigner. Une fois qu'ils seront tous à ta porte, ils vont frapper. Garde un œil sur tout le monde, c'est impossible, je sais. Même moi, je fais mes thunes et parfois je suis stressé. On m'a dit vas-y, fais ton bise et sois discret, va au bout de tes rêves, évite ce que l'état sécrète. On sait qu'à cette heure-ci, les poucaves sont indiscrets, la rétine scannée si tu tombes dans l'excès. On m'a dit vas-y, fais ton bise et sois discret, va au bout de tes rêves, évite ce que l'état sécrète. On sait qu'à cette heure-ci, les poucaves sont indiscrets, la rétine scannée si tu tombes dans l'excès. Est-ce des coups durs? Et dis rien, t'as pas le choix. Plaquette de shit dans le fut, tu finis sur le siège arrière d'une Xara. Puis au plancher, les jeunes permis mettent le Clio dans le décor. Tu ouvres sans branle, tire en plein cœur et tège le corps. Le quart de chunk maté comme le pactole. Un deck petit, pour finir gardien de parking comme Arnold. Y'a trop de malice dans les actes, mentalité Bagdad. Je me sers d'épaule vu qu'y'a pas de place. J'flippe vers toutes ces petites gars, future maman. Tu diras quoi au petit qui s'est fait dans la cave du bâtiment. Cerveau brouillé, l'injustice ça passe plus. Parce que ce qu'on gagne en un mois, c'est ce qu'on fait en se torchant le cul. On veut la coupe et ça sans jouer. Se lever ses dards en une nuit, t'as cramé digé. Indigène des rues, l'état nous mate comme des crapules. La porte qu'il y a au-dessus, j'abrite mon crâne sous une capuche. On m'a dit vas-y, fais ton bise et sois discret, va au bout de tes rêves, évite ce que l'état sécrète. On sait qu'à cette heure-ci, les poucaves sont indiscrets, la rétine scannée si tu tombes dans l'excès. On m'a dit vas-y, fais ton bise et sois discret, va au bout de tes rêves, évite ce que l'état sécrète. On sait qu'à cette heure-ci, les poucaves sont indiscrets, la rétine scannée si tu tombes dans l'excès.